C'est peut-être pas la même que vous, je ne sais peut-être pas tout non plus, je ne sais pas. Bonsoir madame la barbière, bonsoir madame la barbière. La barbe roule, la faites-vous, la barbe roule, la faites-vous. Oh oui, répond la belle. Vert velouté des trois couleurs, c'est celui-là.